Chapitre 3. Les premières vacances. Enfin, de jour en jour, les vacances approchaient. Et maintenant que j'y pense, il me semble entendre quatre ou cinq de nos anciens, le grand Léman d'Abrecheville, Barabino du Harberg, et Limon, le fils du brasseur, qui chante en se promenant bras-dessus, bras-dessous dans les corridors le chant des vacances qu'ils avaient appris de leurs anciens et qui passait de génération en génération au collège de Sarstadt. Je le fredonne moi-même et j'en ai les larmes aux yeux. Ha ha ha, valete studia, omnia iam taedia, vertantur ingodia, i, vale magister mi. Oui, oui, si le temps du collège paraît à quelques-uns le plus beau de la vie, c'est sans doute qu'ils ne se souviennent que de l'approche des vacances. Faisons comme eux pour un instant. L'hiver est passé, les compositions sont finies, nous sommes au commencement d'avril, après la fête des rameaux, au temps de Pâques. De tous les côtés, les parents viennent nous chercher. Un grand nombre d'élèves sont déjà partis. Mon père m'a écrit la veille qu'il arrivera me prendre et je suis à l'étude du matin. De temps en temps, la porte s'ouvre. On appelle tantôt l'un, tantôt l'autre des camarades, qui se lève tout pâle, ferme son pupitre et sort. Les parents sont là, qui l'attendent dans la cour. Chaque fois que la porte s'ouvre, mon cœur bat. C'est moi qu'on va nommer. Non, c'est un autre. Tout à coup, le nom de Jean-Paul Nablot retentit. Je me lève, je saute par-dessus la table, je sors en trébuchant et mon père me reçoit dans ses bras. Je pleure et lui s'essuie les yeux. « Eh bien, Jean-Paul, j'arrive de chez le principal. Tes compositions sont bonnes. Tu as de la mémoire, mais tu ne travailles pas assez. Ton professeur, M. Gradus, se plaint que tu raisonnes. Tu veux donc me donner du chagrin ?» Et mes sanglots redoublent. « Allons, allons, » dit-il. « Tu travailleras mieux après les vacances. Viens, ne parlons plus de ça. » Nous sortons. Le père Vandenberg regarde. Il nous laisse passer. « Dieu du ciel, je suis dehors !» Tout est oublié. Le vieux char à banc est là devant la porte. Nous sommes dessus et nous voilà roulant au grand trot sur le pavé jusqu'à la porte des Vosges. Bientôt, Grisette galope dans le chemin sablonneux qui mène à Richepierre. Je suis redevenu gai. Au bout d'une heure, nous avons traversé Hesse et tout en galopant dans le bois de Barville, sous la voûte des hêtres, des chênes et des bouleaux, déjà tout couvert de bourgeons, je raconte à mon père les mille injustices qu'on m'a faites, car dans mon idée, mon professeur m'en veut. Le brave homme m'écoute. Il a bien des choses à redire sur tout cela. Dans le fond, il ne me donne pas tout à fait tort. Et après m'avoir longtemps écouté, non sans une sorte d'attendrissement, il me répond. Tout cela, mon enfant, c'est possible, je te crois. Mais nous ne sommes pas riches. Nous faisons de grands sacrifices pour toi. Tâche d'en profiter et ne t'inquiète pas des injustices. L'essentiel est de ne pas en commettre soi-même, de remplir ses devoirs et de s'élever par son courage, sa persévérance et son travail. Aujourd'hui seulement, tu commences à voir les difficultés de la vie. Tout ceci n'est rien, c'est une petite expérience. Plus tard, lorsqu'il s'agira de te créer une position au milieu de ces millions d'êtres qui tous serreront les rangs et voudront t'empêcher d'entrer, c'est alors que les véritables obstacles se présenteront. Ainsi, calme-toi, ne t'indigne pas inutilement. Tu te portes bien, la première épreuve est passée. Cela suffit provisoirement. Ton premier but doit être de te faire recevoir bachelier, car ce titre est exigé pour entrer dans n'importe quelle carrière. Ne pense qu'à cela et travaille en conséquence. » Ainsi me parlait ce brave homme, et je comprenais qu'il avait raison. J'étais résolue à suivre ses bons conseils pour lui faire plaisir d'abord, ainsi qu'à ma mère, et puis pour ennuyer ceux qui cherchaient à mettre des bâtons dans les roues. 2 heures après notre départ de Sarstadt, nous étions arrivés au pied de la côte rocheuse qui monte à Richepierre. La voiture se ralentissait, le cheval soufflait. « Hu !» criait mon père. Moi, pensif, je revoyais enfin le vieux village, tout ému de mes souvenirs d'enfance et du bonheur d'embrasser bientôt ceux que j'aimais. Enfin, la première maison en haut de la côte paraît. Le cheval se remet à trotter et nous descendons la grande rue bordée de granges, de fumiers et de hangars. La mère nous attendait sous le vestibule. Les frères et sœurs regardaient. Et le voilà, voilà Jean-Paul! Et tous les voisins, les voisines se penchaient aux fenêtres. Avant que la voiture fût arrêtée, j'étais à terre et j'embrassais la bonne mère avec enthousiasme. Elle ne pouvait retenir ses larmes. Les frères et sœurs, pendus à mon cou, poussaient de grands cris et c'est ainsi que nous entrâmes pêle-mêle dans la grande chambre où nous attendait le dîner. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ces 15 jours de vacances passèrent comme une minute. Tous les anciens camarades d'école venaient me voir, Gourdier et Dapsec, en passant matin et soir les pieds nus, la poitrine débraillée, leurs fagots sur l'épaule, s'arrêtaient, relevant d'un mouvement de tête leurs grands cheveux pendant sur la figure, et me regardaient en silence. « Bonjour Gourdier !» dis-je un jour à celui que M. Magnus proclamait autrefois le meilleur de ses élèves. Un éclair passa dans ses yeux bruns. « Bonjour !» dit-il brusquement, en reprenant sa charge, le manche de la hachette au-dessous et grimpant au fort. J'étais devenue moins fière, mais lui n'oubliait pas que je l'avais appelé mendiant, il ne me pardonnait pas. Peut-être pensait-il qu'avec un peu d'argent, il aurait aussi pu continuer ses études, et se révoltait-il en lui-même d'être arrêté. Je n'en sais rien, cela se peut, car il avait de l'ambition à l'école, et n'ayant pas d'huile dans la lampe à la maison pour étudier ses leçons, il tenait son livre à la bouche du fourneau, la tête entre les genoux pour lire. Quand il venait le matin à l'école, ses yeux étaient tout rouges. Je crois donc qu'il m'en voulait d'avoir plus de bonheur que lui et de pouvoir étudier à mon aise. Monsieur le curé vint aussi dîner une ou deux fois à la maison pendant ses vacances. Il me posa des questions et parut satisfait, surtout de mes progrès en histoire sainte. Puis il fallut repartir et rentrer en classe chez M. Gradus. Ce fut une grande tristesse.